Chapitre 5. Puis ils arrivèrent de l'autre côté du lac de Galilée, dans le territoire des Géraséniens. Jésus descendit de la barque, et aussitôt un homme sortit des tombeaux et vint à sa rencontre. Cet homme avait en lui un esprit mauvais, et il vivait parmi les tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on avait attaché ses pieds avec des liens de fer et ses mains avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les liens de fer. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. Continuellement, la nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris et en se blessant avec des pierres. Il voit Jésus de loin, alors il accourt, se jette à genoux devant lui et crie d'une voix forte : Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me punis pas. Il dit cela parce que Jésus lui donnait cet ordre : Esprit mauvais, sors de cet homme. Alors Jésus demanda à l'homme : Quel est ton nom ? Il lui répondit : Mon nom est Multitude, car nous sommes nombreux. Et il le priait avec insistance de ne pas envoyer les esprits mauvais hors de la région. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture près de la colline. Alors les esprits adressèrent cette prière à Jésus : Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. Jésus le leur permit. Alors les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau, environ 2000 porcs, se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent l'homme qui avait eu une multitude d'esprits mauvais en lui. Il était assis, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent ce qui était arrivé à l'homme ayant des esprits mauvais et au porc. Alors ils se mirent à prier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus montait dans la barque, l'homme qui avait eu les esprits mauvais lui demanda de pouvoir rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa pitié pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de synagogue nommé Jaïrus arrive alors. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et lui demande son aide avec insistance. « Ma petite fille est en train de mourir, » dit-il. « Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins et y avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux. Au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait : Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang cessa aussitôt, et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit : Qui a touché mes vêtements ? Ses disciples lui répondirent : Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore : Qui m'a touché ? Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef Jaïrus et lui dirent : Ta fille est morte. Pourquoi dérangerais-tu encore le maître ? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une agitation bruyante des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ses trois disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Fillette, lève-toi, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda sérieusement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger ».